Mosaïque. Bonjour à tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Le débat va porter aujourd'hui sur la contribution des confessions religieuses dans le renforcement de la démocratie au Burundi. Nous l'avons fait notamment pour les organisations de la société civile et les partis politiques. Qu'en est-il pour les confessions religieuses? La Constitution de la République du Burundi prévoit en son article 31 que la liberté d'expression est garantie, l'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion. Les responsables religieux côtoient au quotidien les citoyens dans les mosquées, dans les églises. Quelle serait alors la contribution de ces confessions religieuses dans le renforcement de la démocratie? Comment elles collaborent avec les institutions de l'État dans cette tâche? Quels défis, mais aussi quelles perspectives? 4 invités sont avec nous sur le plateau. Salvatore Niziguimana, vous êtes le directeur général de la coordination des ONG et de la promotion des libertés publiques. Vous avez été aussi le directeur général de la RTNB, Radio-Télévision Nationale du Burundi, même si ce n'est pas que ça, on le sait. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous salue et je vous remercie pour l'invitation. Et frère Emmanuel Nakarutimana, vous êtes de l'Église catholique. Vous avez été le tout premier président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Révérend pasteur Sylvestre Bizimana, vous êtes le président du Conseil national des églises du Burundi, CNEB en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, mais je ne suis pas le président, je suis le secrétaire général. Du Conseil national des églises. Oui, merci pour l'invitation. Merci. Et puis nous sommes avec vous, imam Ramissi Hassan Girabakize, prédicateur au sein de la COMIBU, communauté islamique du Burundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation et je remercie les auditeurs. La mise en onde est assurée par Aimé Toussaint Mitebouti, Dorine Ouimana et Désiré Ngurunziza pour la prise d'image, réalisation d'Alain Désiré Boukeyeneza et au micro, vous retrouvez Léon Sebitadiho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La toute première question, je vais l'adresser à vous, Salvatore Niziguimana, directeur général de la coordination des ONG et de la promotion des libertés publiques. Les confessions religieuses seraient-elles, selon vous, des partenaires de l'État au niveau de la démocratie? Comment? Merci pour la question. Je confirme sans hésitation que les confessions religieuses sont les partenaires de premier plan de l'État et du gouvernement dans l'édification et dans le renforcement de la démocratie. Mmh. Et d'abord, pour revenir au principe, tout citoyen, selon la Constitution, a le droit d'adhérer à une église, à une confession religieuse de son choix. Mmh. D'une part, mais d'autre part, l'État du Burundi doit protéger les droits civiques et politiques de tout citoyen. Et ça, c'est aussi une de ses obligations. Et parmi ces droits, le droit de la pensée, le droit d'association, le droit d'opinion, c'est un des droits parmi les droits de l'homme. L'État du Burundi est faisant partie de la communauté mondiale qui adhère aux instruments internationaux en matière des droits de l'homme. Notamment, est-ce que vous n'ignorez pas, la première, ce qui est très cher à mon frère ici, frère, qui est à côté de moi, avec qui je partage cette émission. Mais je confirme que les confessions religieuses sont des partenaires de premier plan, à tous les niveaux et à certains moments particuliers. Lors de la préparation de l'organisation des élections, ils deviennent des partenaires de premier plan, non seulement comme des pasteurs, des éducateurs, mais aussi à partir de leur mission, leur prédilection, qui sont là pour la moralisation de la communauté par les saintes écritures, aussi bien du Coran que de la Bible, pour une cohésion sociale. Nous sommes en train de parler de démocratie. Si on parle de démocratie, c'est peut-être, entre guillemets, c'est une autre manière de parler politique. Est-ce que les confessions religieuses exercent des activités politiques? Les confessions religieuses n'ont pas cette essence. Toutefois, les confessions religieuses contribuent et accompagnent le gouvernement et l'État à toute étape de développement démocratique. Il y a une politique de l'État au niveau de ceci, de cela, et les églises, les confessions religieuses, ce sont des partenaires en son sens. Ce sont de grands partenaires. Et quand on parle même de politique de développement, puisque c'est aussi de la politique, je confirme avec des lettres majuscules que les confessions religieuses sont des grands partenaires dans le développement socio-économique, dans le développement moral et spirituel des populations. Et c'est un grand partenaire en la matière. Si vous essayez d'être un peu pragmatique, leur contribution, elle se porte comment en matière de renforcement de la démocratie? Et d'abord, au sein peut-être des... ces représentants des confessions religieuses ici vont le dire beaucoup plus, mais vous aussi, vous constatez en tant que ministère. Nous le constatons, et plutôt permettez-moi d'insister sur les attentes. sur les attentes de l'État et du gouvernement par rapport aux confessions religieuses. D'abord, les confessions religieuses sont gérées et régies par une loi. Et en matière de démocratie, l'observation et le respect des lois, c'est un premier départ. Les confessions religieuses, comme les autres organisations, sont régies par des textes propres, en commençant par les statuts. Le respect des dispositions de leur statut, des textes qui les régissent, est déjà une composante de l'expression démocratique. En troisième lieu, ce que je ne voudrais pas vraiment laisser de côté, c'est que les confessions religieuses, comme des partenaires de choix, qui exercent dans la proximité des fidèles, et ces fidèles constituent l'ensemble de la population, contribue à l'éducation, notamment l'éducation civique, l'éducation patriotique, l'éducation démocratique même, en commençant d'abord par la cohésion sociale, le respect de l'autre et le dialogue dans la communauté. Et dans multiples confessions religieuses, il y a des structures. Il y a des structures, en commençant par des structures de proximité. Une petite question, monsieur le directeur général. Entre les pouvoirs publics et les confessions religieuses, c'est quelle partie qui serait plus proche des citoyens? Les deux. Les deux. Les deux. Parce que l'administration est aussi organisée de manière à ce qu'il y ait des structures d'encadrement de la population au niveau administratif, de la base au sommet. Mais aussi au niveau de certaines confessions religieuses, de certaines églises, nous constatons qu'il y a aussi un certain niveau de proximité pour encadrer les fidèles. Je dis bien les fidèles et les adeptes, pendant que l'administration a l'obligation d'encadrer l'ensemble des populations. Avant que je n'aille chez frère Emmanuel Nakarutimana, est-ce que vous pourriez nous dire les effectifs, le nombre de ces confessions religieuses qui sont inscrites dans vos registres au sein du ministère? À ce jour, les églises et confessions religieuses enregistrées dans nos livres dépassent de loin 650. 650. Celles qui sont plus visibles, fonctionnelles que d'autres, mais celles qui se sont conformées à la loi dont je viens de parler et celles qui ne le sont pas encore, que nous invitons à se conformer sous réserve des mesures qui sont prévues dans la loi régissant les confessions religieuses. Le tout, elles sont à 650, autour de 650. Autour de 650. Frère Emmanuel Nakarutimana, vous êtes de l'Église catholique. L'apport de l'Église catholique, vous estimez qu'il est comment en matière de démocratie au Burundi? Vous êtes une confession religieuse qui En tout cas, il y a beaucoup de fidèles, je me dis, au Burundi, il y a beaucoup de fidèles catholiques. Je ne sais pas si je dis vrai, vous le savez mieux. C'est vrai. Je n'ai pas eu accès aux dernières statistiques, mais ça ne m'étonnerait pas que le pourcentage soit au-delà de 60. Et ça couvre tout le pays. Et la contribution de l'Église catholique, ça fait plus d'un siècle que cette Église est en train de travailler dans ce pays. Et elle bénéficie aussi de l'expérience de l'Église catholique dans d'autres parties du monde au niveau des succès, mais aussi des échecs qu'il y a eu dans différentes entreprises. Et alors ici au Burundi, l'Église catholique est toujours déterminée à donner sa contribution parce que les questions, toute question de l'homme, toute question de la personne humaine, c'est une question de celui qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'inspiration vient de là, vient du Christ. Et on sait comment Jésus se préoccupait de la vérité, se préoccupait de la justice, se préoccupait de la proximité aux vulnérables pour que chacun puisse retrouver sa dignité. Et je pense que l'Église, pour la promotion de la démocratie, travaille principalement sur cette base des valeurs, les valeurs de justice, les valeurs de droit, les valeurs de dignité, les valeurs de solidarité. Et alors, elle a développé un enseignement social qui met à l'honneur quatre principes. Le principe du bien commun, et dans ce pays, on sait combien le bien commun doit faire la préoccupation des dirigeants comme de la population. Il y a le principe de la destination universelle des biens, parce que les biens du Créateur ne sont pas destinés à une élite ou une classe déterminée, c'est une destination universelle. Mais aussi, il y a la question de la solidarité et la subsidiarité, pour que chacun joue son rôle pleinement, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a joué le rôle d'un autre, soi-disant qu'il est paysan, qu'il ne sait pas, qu'il a une contribution importante à donner. Et alors, à côté de ces quatre principes, il y a trois valeurs sur lesquelles l'Église ne saurait transiger. La valeur de la vérité, la valeur de la liberté et la valeur de la justice. Et alors, c'est avec cette tradition que l'Église du Burundi, une tradition en fait qui est au niveau de l'Église universelle, et que l'Église du Burundi essaie d'appliquer dans les contextes locaux du Burundi, aux différents niveaux. Et on sait que ce jeu ne se fait pas de la même façon au niveau supérieur avec les grands décideurs qui définissent les politiques et déterminent les structures de distribution des biens et des services, mais aussi ça doit pouvoir jouer au niveau des administrations moyennes, au niveau des provinces, au niveau des régions, mais aussi au niveau local. Et les structures de l'Église sont dispersées précisément à tous ces niveaux, de façon à ce que l'Église puisse jouer son rôle dans les questions sociales avec unité, avec harmonie, mais aussi avec courage et détermination. Il y a Monsieur le Directeur Général Salvatore Nizigimana qui dit qu'il affirme que vous êtes des partenaires. Est-ce que l'Église catholique n'aurait pas sa propre politique et les pouvoirs publics leur propre politique? Ou il y a complémentarité? L'Église catholique suit Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu apporter un modèle politique. Il n'a pas fondé de parti politique. Il n'a pas développé de programme politique pour la conquête du pouvoir. Il a développé des fondements pour l'humain. Pour l'humain. Et alors, l'Église catholique n'a pas à chercher à conquérir le pouvoir, et déjà pour s'impliquer dans des postes qui demande une prise de pouvoir, ça demande des dispenses, en tout cas pour les ecclésiastiques. Frère Emmanuel Nakartimana, vous exercez quelles activités concrètement? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure, monsieur le directeur général. Vous exercez essentiellement quelles activités en ce sens de démocratie dans le pays? Je pense que La question de la formation est une question cruciale. Sur ces valeurs dont je venais de parler, et cela touche autant les enseignements qui sont donnés aux communautés dans les paroisses ou ailleurs, comme ça touche le secteur des écoles. Parce que éclairer les esprits et les consciences sur la dignité, sur la justice, sur la solidarité, la subsidiarité, ça doit être un travail qui se fait de façon permanente. Mais aussi, on sait qu'à certains moments déterminés, suivant les questions sociales qui se posent, les responsables de l'Église s'expriment par des communiqués ou par des messages qui donnent la compréhension, la vision de l'Église catholique par rapport à ces situations ou ces questions. À ce point, justement, à certaines occasions, et je vais me rendre vers vous, Imam Hamisi Hassan Gilabakize. À certaines occasions, frère, l'Église catholique publie des communiqués ou des messages dans les paroisses sur la vie du pays en matière politique, sociale, sécuritaire, etc. Vous estimez que ces messages ont quel impact devant les pouvoirs publics? Ça dépend des situations, parce que l'évolution historique de ce pays, vous la connaissez. L'accueil n'a pas toujours été uniforme à travers les décennies. Mais on sait que il y a quelque temps, certaines personnes étaient favorables à ce que venaient de dire les messages des évêques, et d'autres ont exprimé des sentiments d'irritation ou d'autres désapprobations. Mais de toute façon, pour l'Église, ce n'est pas l'applaudissement qui compte, c'est l'expression de ce qu'on croit être vrai. Et en tout cas, le dernier message public qui a été donné par la conférence épiscopale a été bien accueilli par le service de la présidence, selon l'écho que nous avons vu dans les médias. Donc, c'est assez fluctuant et ça dépend de beaucoup de facteurs. Imam Hamisi Hassan Gilabakize, vous êtes prédicateur au sein de la communauté islamique du Burundi. Comment se portent les activités qui seraient de nature à renforcer la démocratie dans le pays? Je vous remercie pour la question, mais avant d'y arriver, je voudrais d'abord souligner une petite chose. Les confessions religieuses sont, oui, les grands partenaires, mais moi j'estime qu'ils ne sont pas seulement les grands partenaires, mais ils sont les partenaires privilégiés de l'État. C'est-à-dire, moi, quand je vois les... Et les partis politiques? Les partis politiques, oui, mais je suis du côté des religions, puisque nous sommes dans une émission appropriée à cela. Pourquoi je dis que ce sont des partenaires privilégiés? Les confessions religieuses ont des avantages et des privilèges que l'État leur accorde dans le fonctionnement. Il y a même des avantages fiscaux qui sont accordés à des confessions religieuses. C'est pourquoi l'expression, moi je voudrais plutôt parler des partenaires privilégiés que de parler des grands partenaires. Alors pour revenir maintenant à votre question... La religion islamique est une religion en principe qui prône la démocratie, qui fait en quelque sorte participer les musulmans à la prise de décision dans le fonctionnement de leurs activités. Je voudrais vous donner un petit exemple. Vous savez que la Comibou est représentée au niveau national jusqu'au quartier là où il y a des mosquées. Oui. C'est-à-dire que celui qui dirige la mosquée ne peut pas prendre une décision sans consulter le comité de mosquée. Et ainsi de suite. Donc il y a toute une pyramide qui est construite, une pyramide de pouvoir qui est construite en matière de prise de décision. C'est une religion aussi qui prône la justice. Justice comme pilier de la démocratie. Prône la justice, elle prône la solidarité, et surtout lorsque cette justice, cette solidarité convergent tous les efforts vers le développement durable du pays et des communautés. Cher, il y a un certain temps, les résultats des élections du président de la Comibou n'ont pas été validés par le ministère ayant en charge ces confessions religieuses. On peut dire qu'elles avaient été mal organisées ou quoi, ces élections? Je ne crois pas que les élections ont été mal organisées, mais seulement... Il y a eu deux factions qui se sont disputées le leadership. de la Comibou. Après les élections, il y a eu une partie qui a contesté les élections. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui n'ont pas été... Et la voix de la partie contestataire a été bien entendue par le ministère concerné. Non, je ne crois pas que ça a été bien entendu par le ministère, mais le ministère a pris une décision, a donné une orientation qui se conforme à l'article 22 de la loi portant organisation des confessions religieuses. Parce que même si... cet article 22 qui dit que la loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des confessions religieuses. Oui. Est-ce que c'est ça? On dit, sous réserve des restrictions nécessaires au maintien de l'ordre public et au respect des bonnes mœurs. Etc. Voilà, c'est là où il y a le génie du droit. Quand on dit, à l'exception des... C'est-à-dire, lorsque l'État constate qu'il risque d'y avoir le désordre dans le pays, alors que l'État est le premier garant de l'ordre public, rien n'empêche l'État de prendre une décision et orienter les choses dans le bon sens. Mais des opinions pourraient aussi penser à des divisions au sein de la communauté musulmane. Est-ce que c'est ça ou pas? Division ou pas? À travers justement ces élections et le rejet de ces élections par le ministère concerné. Il n'y a pas division. Il n'y a pas division au sens strict du terme, mais il y a divergence. Il y a une divergence seulement, mais il n'y a pas division. Je me rends chez vous, révérend pasteur Sylvestre Bizimana, secrétaire général du Conseil national des églises du Burundi. Des divisions, justement, au sein des églises, elles sont observées de temps en temps, n'est-ce pas? À quoi seraient-elles liées, ces divisions? Merci beaucoup. D'abord, c'est le non-respect des textes, donc les statuts et le règlement de l'ordre intérieur, qui est mal conçu d'une part, d'autre part, qui n'est pas respecté. Il y a le directeur général qui a justement parlé de respect ou pas respecté de ces statuts. Oui, c'est en général le problème qui est lié à cela. Et autre chose, c'est la formation, donc les connaissances de la personne qui est à la tête d'une dénomination. Et en fait, c'est la transformation de la personne lui-même. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si une personne te dit que tu es un chien et que tu te comportes comme un chien, le problème, ce n'est pas la personne qui t'a dit que tu es chien, mais c'est toi-même. Là, la personne aura dit la vérité. Il faut travailler sur soi-même pour comprendre que tu n'es pas un chien, que par conséquent, tu ne peux pas te comporter comme un chien. C'est là où résout le grand problème. Quand des responsables religieux ou des fidèles de l'une ou l'autre église se rentrent dedans, ça arrive. Révérend pasteur, ça arrive. Quand ils se rentrent dedans, sur le lieu de culte, des fois même, il y a des gens qui se blessent les uns les autres. À quoi est due cette situation? Bon, la première chose, c'est l'ignorance. L'ignorance parce que nous enseignons Christ qui a été crucifié. La personne qui se livre à l'autre, c'est qui n'a pas compris les enseignements de Christ, c'est qui n'a pas encore changé. Et deuxièmement, ce sont les gens qui... Et parfois, il y a aussi dans les églises les gens qui rangent les personnes de leur famille, qui suivent. Et tout cela, moi, je lis cela à l'ignorance. Et une autre petite question des religieux, c'est dans ce même ordre, et des religieux qui travaillent indirectement, je dis bien indirectement, entre guillemets, pour des intérêts politiques ou des intérêts financiers. Est-ce que ça existe ou pas? Ça existe parfois, mais je l'ai toujours dit, c'est toujours l'ignorance, c'est le manque de transformation de la personne lui-même, parce que les églises sont fondées sur Christ, Christ qui a été crucifié. Cette personne-là n'est pas encore changée, et aussi son appel, on peut se poser des questions sur aussi son appel, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été réellement appelés. Ils ont besoin des enseignements pour être transformés et respecter les valeurs chrétiennes. Et avant que je ne retourne chez le directeur général, oui, le directeur général qui a déjà parlé des effectifs de ces confessions religieuses, vous êtes le secrétaire général du CNEB. Le CNEB regroupe combien de confessions religieuses? Le CNEB regroupe 13 dénominations. Lui, il a parlé de 650 au total dans le pays. Oui. Ça regroupe les premières églises qui sont nées au Burundi depuis les années 1935. Je dis l'église méthodiste libre, l'église anglicane avec ses diocèses, l'église évangélique des amis. Mais il y a une collaboration avec les autres confessions religieuses, les autres églises qui sont nées après. Et les portes sont ouvertes aussi pour les autres. Mais L'islam, l'église catholique, ça ne fait pas partie. Non. Il y a un conseil qu'on appelle CICB, où on se retrouve pour parler des points communs, des problèmes communs. Je reviens vers vous, Salvatore Niziguimana, directeur général de la coordination des ONG et de la promotion des libertés publiques. Peut-on parler de complémentarité entre le gouvernement et les confessions religieuses en matière de démocratie? Je confirme. Oui. Monsieur Léonce, merci pour la question. Je confirme. Nous agissons et nous devons agir en synergie. Une synergie signifie une opération multi-acteurs. Chacun jouant son rôle, chacun devant jouer sa partition. D'une part, d'ailleurs, la Constitution nous y oblige. Et chaque citoyen, quelle que soit sa conviction, quel que soit le domaine de son intervention, est appelé à contribuer pour la paix dans son pays. Or, les acteurs des confessions religieuses, le leadership des confessions religieuses, je crois que d'ailleurs, de par son essence, leur essence, ils sont là juste pour, le disait frère Nakarutimana ici, pour enseigner, pour délivrer la parole divine et orienter les fidèles pour l'amour, la solidarité, pour la cohésion sociale, en un mot pour la cohérence en vue d'une communauté paisible, d'une part. Et d'autre part, au niveau de la complémentarité, je voudrais avancer un aspect qui me paraît extrêmement important. Comme nous sommes des serviteurs de la même personne, le manque de complémentarité serait paradoxal. En matière de démocratie, la formation, l'éducation civique, le respect de l'autre, le dialogue, et ici j'insiste et je souligne, le dialogue permanent, la recherche de la cohésion sociale. Et le dialogue est permanent. Est-ce qu'il y a toujours ce dialogue entre les pouvoirs publics et les confessions religieuses? Les valeurs, comme le dialogue et comme tout autre, ça reste toujours des idéaux. Nous devons toujours cheminer, rechercher, perfectionner, monter des stratégies et des tactiques pour asseoir un dialogue permanent. Il est vrai que des fois, il y a des failles. Mais l'essentiel et le grand objectif devant être en permanence la recherche de cet idéal. Et pour ce qui est de ce sujet particulier, de cette valeur, qui construit la société, qui construit les rapports sociaux, et je voudrais me référer à l'orientation qui a été donnée dès son premier jour de prise de pouvoir à son investiture de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a déclaré solennellement que le dialogue doit être le maître mot partout, aussi bien dans les rapports publics que dans les rapports professionnels. C'est ainsi les partenaires de premier plan, privilégiés comme le disait mon frère en face, le dialogue entre ces derniers et le gouvernement doit être régulier. Je vous informe qu'au niveau du ministère qui a en charge le suivi des activités des confessions religieuses, il est prévu sur le plan d'action annuel des réunions périodiques pour échanger sur certains sujets, sur des thématiques, et nous apprécions les apports, nous apprécions les contributions qui sont données à ces occasions. Quelqu'un même disait ou pourrait dire qu'il faudrait même un cadre permanent d'échange et de partage. Mais ce que je peux encore vous dire, quand nous parlons du dialogue, les confessions religieuses, les congrégations, les unions et les autres groupements ont le droit d'accès par demande d'audience pour échanger sur des questions spécifiques à quelque moment que ce soit. Mmh. En un mot, nos bureaux, nos cabinets ne sont pas nos bureaux. Mmh. Nous sommes des locataires de ces bureaux, mais les propriétaires, c'est bien ses partenaires. Nous en possédons et nous en gardons les clés pour dire que l'accès est ouvert à tout moment. D'ailleurs, vous aurez aussi entendu, et ça là, au niveau de la volonté politique, parce que tout commence par la volonté politique, qui s'exprime déjà par des mécanismes concrets qu'on observe. On dit, écoutez, quand on a mis les, au niveau de chaque commune les boîtes à suggestions, aujourd'hui qui sont en train d'être perfectionnées pour que même avec le concours des technologies de l'information et de la communication, tout ce qui ne marche pas puisse être reporté ou rapporté à l'autorité, puisse être une réalité, ça pour moi c'est une des démarches du renforcement de la démocratie dans notre pays. Une petite question, est-ce que les confessions religieuses, vous avez parlé de, au niveau des effectifs, c'est autour de 650 et sont nombreuses en tout cas dans le pays. Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté dans leur gestion pour les pouvoirs publics? Je confirme. Je confirme sincèrement, il y a eu et il y aurait toujours une prolifération de confessions religieuses. Et d'ailleurs, en violation dans certains cas de la loi régissant les confessions religieuses. Tenez bien, la même loi et les textes de sa mise en application prévoient qu'il ne devrait pas y avoir en moins de 500 mètres entre un lieu de culte d'une certaine confession religieuse et un autre lieu de culte d'une autre, en milieu urbain. Mais ça s'observe en tout cas. À une distance de quelques 100 mètres, 200 mètres, il peut y avoir deux confessions religieuses. J'en viens à votre objet. Justement, c'est cela fait et la cause et la conséquence de cette prolifération des confessions que nous observons et qui donne du fil à retordre au niveau de la gestion de des pouvoirs publics, d'une part. Mais d'autre part, il y a, dans certains cas, dans certaines confessions religieuses, dans certaines églises, nous constatons des conflits, des litiges internes au sein de ces mêmes confessions religieuses. Et les pouvoirs publics interviennent juste pour arbitrer des fois, juste pour, comment dirais-je, pour délibérer et pour prendre des mesures dans certains cas. Notez bien, quand je parle de confession, de prolifération, il y a aussi des tapages, la perturbation de la quiétude du milieu avoisinant. Et c'est justement une question que j'allais poser. Tant que vous avez le micro, je voudrais que vous nous parliez de défis, d'une manière générale, avec cette gestion, les confessions religieuses. Le premier défi, le disait mon frère révérend pasteur Sylvestre, le premier défi provient pour certains, de la méconnaissance de la loi ou de la violation de cette dernière, d'une part. Il a aussi parlé de statut, non-respect de statut, quelquefois. J'y arrive, effectivement, je confirme. Les statuts qui, des fois, sont mal aménagés et dans certaines de leurs dispositions, qui ne prévoient pas, des fois, des dispositions de règlement interne des conflits. Là où se trouve l'homme, il y a toujours des difficultés, mais il y a toujours des mécanismes de résolution interne des conflits, d'une part, mais d'autre part aussi, et en ajoutant, il y a la violation des dispositions des statuts propres par certains, pour certains intérêts multiples des uns et des autres. Voilà. Frère Emmanuel, je ne sais pas si c'est des ajouts ou par rapport aux défis que vous rencontrez ou que vous observez à l'Église catholique. Bon, je pense que il y a des défis qui sont généraux au niveau de de tout le pays, développer une culture démocratique qui soit respectueuse des libertés, de la dignité de toute personne humaine. C'est pas quelque chose qui va de soi, que l'on obtient en l'espace de quelques années. Et déjà même dans les pays dits développés, on voit de temps en temps des dégâts invraisemblables. Et alors, je crois que le renforcement de la culture, de la démocratie respectueuse de la dignité de toute personne humaine, c'est un combat permanent et une vigilance permanente. Et alors, le défi, me semble-t-il, pour les confessions religieuses, c'est de pouvoir véritablement jouer ce rôle de veilleur, de guetteur, de telle sorte que partout où il y a menace de la dignité de la personne humaine, que les confessions religieuses puissent donner leur contribution. Et cela aussi joue sur la formation de la conscience. Est-ce que les confessions religieuses travaillent véritablement de façon ferme à cette formation de la conscience des populations? Est-ce que les catholiques, nous pouvons nous assurer que nous avons travaillé suffisamment sur les consciences des populations? Parce que voir l'histoire cyclique de violence de notre pays, dans un pays majoritairement religieux, où il y a même presque une inflation du religieux aujourd'hui, est-ce que ça conduit à une amélioration de la situation, de la gestion du pays, de la gouvernance démocratique, puisqu'un bon nombre de ces responsables politiques sont aussi dans des confessions religieuses et avec cet engouement de ces dernières années pour la pratique religieuse. Donc on s'attendrait à ce qu'il y ait amélioration à différents points de vue pour la vie nationale. Mais je pense que le rôle de veilleur, de guetteur et aussi ce travail sur la formation des consciences reste quand même un défi pour les confessions religieuses, pour que ça ne soit pas seulement une culture folklorique au niveau du religieux, mais que ça touche vraiment les transformations des personnes, les transformations des consciences pour le montage d'institutions qui soient justes et qui soient respectueuses des libertés publiques et de la dignité de toute personne humaine. Frère Emmanuel Nakurtimana, il y a une multitude de confessions religieuses. Le directeur général a parlé de 650 au niveau du pays. Quelle est la signification que vous donnez à cette situation? Il y a l'Église catholique qui est en tout cas vieille au Burundi. C'est l'Église, je me dis, la plus vieille. Mais il y a cette multitude depuis un certain nombre d'années. Et les responsables, il y en a qui étaient des catholiques, n'est-ce pas? Oui. D'abord, c'est un phénomène qui a explosé avec la démocratisation du pays dans les années 90. Et après les années 90, c'est allé en s'accroissant grandement. C'est un phénomène sociologique qui peut s'expliquer. Évidemment, ces nouvelles confessions religieuses... On va dire qu'il y a perte de fidèles de la part de l'Église catholique. Bon, ce n'est pas seulement de l'Église catholique, c'est de toutes les autres confessions religieuses. Mais ce qui est drôle, hein, c'est qu'il y a une itinérance religieuse où aujourd'hui vous trouvez quelqu'un dans l'Église catholique et demain vous le retrouvez dans telle confession religieuse, après demain dans telle autre. Donc, comme une espèce de vagabondage au niveau de l'appartenance religieuse. Dans la situation d'incertitude où nous sommes, parce que la question s'est posée, quelle religion par temps de crise, avec tout ce que nous avons connu au niveau du pays, et une vulnérabilité non seulement économique, politique et tout ça, mais aussi une vulnérabilité au niveau des blessures historiques et des traumatismes, où les gens cherchent où s'accrocher et où je peux me sentir reconnu, où je peux me sentir accepté, où je peux sentir un minimum de chaleur humaine autour de moi. Je pense que nous sommes dans cette phase où la nation, en fait, est en train de chercher un processus de guérison. Et on cherche de différentes façons. Et les confessions religieuses, dans leur explosion, sont en train de jouer, en fait, ce rôle. Mais je me dis qu'à un moment donné, avec la stabilisation du pays, le retour à une normalisation de la situation, probablement que les choses vont changer. Que les choses vont changer. Et les Burundais sont majoritairement croyants. Je ne parlais pas de catholiques. Mais vous pourriez faire une analyse par rapport à des cas de tuerie qui sont observés dans le pays, alors que nous sommes, ils sont, les Burundais sont croyants. C'est précisément un grand défi. Et, des cas de tuerie, mais nous sommes des chrétiens, des musulmans, des protestants. C'est ce qui interroge justement l'engouement pour le religieux aujourd'hui et qui demanderait que les confessions religieuses développent une vigilance accrue par rapport à leur action. Parce qu'il n'est pas normal que des gens se disent croyants en un Dieu bon qui aime ses enfants et qu'on s'engage dans les situations que nous avons connues dans ce pays et où en fait se vit un potentiel de violence qui est invraisemblable. Et je me souviens, quand il y a eu les crises récentes au niveau international, on nous disait, mais dans un pays où les chrétiens, vous êtes toutes dénominations confondues, vous êtes plus de 75%, comment se fait-il qu'on arrive à ces drames? Donc, pour moi, ce n'est pas l'engouement et l'exubérance dans les lieux de culte qui manifestent en fait la réussite de convictions religieuses dans un pays, c'est plutôt la pratique de la charité, la pratique de la solidarité et la pratique du sens de l'humain qui manifeste que les religions, en fait, sont en train de remplir convenablement leur rôle. Et je pense que nous sommes dans une situation aujourd'hui où les confessions religieuses devraient être amenées à faire un examen de conscience sur le travail et l'impact de leur travail par rapport à la guérison du pays. Examen de conscience. Et qu'en est-il chez vous, imam, cher Khamisi Hassangirabakize, au sein de la communauté islamique? Des défis. On est en train de parler de défis par rapport à ces confessions religieuses, et des défis qu'ils rencontrent, et des défis que ces confessions religieuses rencontrent par rapport à ce renforcement de la démocratie dans le pays. Oui, merci. Le premier défi que nous avons, ce n'est pas seulement la communauté islamique, mais aussi d'autres communautés ont ce défi. Mmh. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation à la paix, d'éducation à la justice, d'éducation à la démocratie. Je m'en vais vous dire qu'il y a des défis communs à toutes les confessions religieuses. Il y a aussi des défis propres. Mmh. Parmi les défis communs, nous avons l'organisation interne des confessions elles-mêmes. Mmh. Parce que si on essaie de voir même les statuts qu'ont les confessions religieuses, les statuts sont bien construits. Mmh. Mais néanmoins, ces statuts manquent les textes d'application, surtout les règlements d'ordre intérieur. Mmh. Il n'y a pas de règlement d'ordre intérieur. Quand vous avez un statut, les statuts plutôt, mmh. alors que vous n'avez pas le règlement d'ordre intérieur, à un certain moment donné dans votre fonctionnement, vous vous bloquez vous-même. Mmh. Vous êtes bloqué par le manque de ce règlement d'ordre intérieur, puisque les statuts ne peuvent pas tout prévoir. Mmh. Il y a aussi un autre problème de fondateurs de ces confessions religieuses qui poursuivent, à mon avis, des intérêts personnels dans la création des confessions religieuses. Mmh. Surtout quand il s'agit des sectes, puisqu'il y en a beaucoup. Mmh. Vous verrez, certains chrétiens se disputent le patrimoine de l'Église. Certains chrétiens, bon, pas certains, certains croyants, pour ne pas dire chrétiens, se disputent le patrimoine de l'Église. Et c'est ce patrimoine même qui fait à ce que les gens soient divisés. Ça c'est crise de... On peut parler de crise de leadership. Crise de leadership, oui. Mmh. Parce que quand vous entrez dans une organisation, quand vous créez une organisation, en poursuivant le but pécunier, c'est inévitablement, vous serez bloqué quelque part lorsque vous n'aurez pas atteint votre objectif. Il y a un autre défi, c'est un problème de collaboration. quand vous dirigez une confession religieuse et que vous prenez une décision sans consulter les autres, c'est un grand défi au sein de votre organisation et qui, à un certain moment donné, va vous bloquer. Et ça se répercute chez les fidèles. Chez les fidèles. Puisque quand vous vous divisez, les fidèles aussi se divisent. C'est inévitable. Est-ce que vous avez un ajout, révérend pasteur Sylvestre? Merci beaucoup. Tant que nous parlons de la démocratie, le grand défi que nous avons, au Burundi, nous avons plus de 70% croyants. Paradoxalement, on a des crises de violence en 1972-1993. C'est vraiment un grand défi que nous avons. Cela ne devrait pas avoir lieu dans un pays où nous avons un tel pourcentage de croyants. Je pense que et les musulmans, et les protestants, et l'Église catholique, nous devrions nous asseoir ensemble pour la redéfinition des stratégies à utiliser pour la transformation des âmes. Parce que ces croyants, ils sont supposés avoir une transformation des âmes, mais ça signifie que nous avons vraiment un grand défi qui s'avère très important. Vous vous sentez bloqué quelque part? De nous asseoir ensemble et trouver les racines de ce défi. Oui. J'avais une chose à dire sur la multitude de confessions religieuses. Normalement, quand une société est en mutation, la société en mutation, il y a un phénomène social qui s'observe. La création de plusieurs confessions religieuses est expliquée par ces phénomènes-là et par cette mutation de la société burundaise qui quitte d'un stade à un autre stade, soit de réflexion, soit de développement. Mais quelquefois, moi, je me dis quelque chose. Est-ce que je me demande si cela ne pourrait pas être dû, je ne me donne pas le droit de scruter les âmes des hommes, mais qu'au moins les gens sont en train de comprendre la parole de Dieu. On peut comprendre la parole de Dieu à travers la confession religieuse à laquelle on appartient actuellement, mais aussi, vous pouvez aussi explorer aussi votre propre voie pour amener les âmes non pas à l'enfer, mais au paradis. Pour moi, c'est vrai, il y a une difficulté à gérer plusieurs dénominations, mais pour moi, ça devrait être plutôt une opportunité pour le bien. C'est pourquoi on devrait s'asseoir ensemble, retracer les stratégies de la bonne nouvelle, comment donner la bonne nouvelle vis-à-vis de la nouvelle technologie. Et aussi, hier, les fidèles que nous avions hier, aujourd'hui, ils sont formés. Nous avons des licenciés, nous avons des gens qui ont une formation académique. Et il y a aussi une technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, les confessions religieuses, nous sommes vraiment prêts pour faire la mission vis-à-vis de la nouvelle technologie et des gens qui ont une formation académique plus avancée? Donc, vous voulez dire qu'à travers cette nouvelle technologie, vous enseignez beaucoup plus les fidèles ou vous... C'est quoi? Oui, on devrait... Vous savez, aujourd'hui, il y a les WhatsApp, il y a beaucoup de canaux d'enseignement. Il y a des enseignements qui passent sur les WhatsApp, sur Facebook, etc. Donc, nous devrions aussi nous organiser... Est-ce que ces réseaux sociaux ne nous déroutent pas aussi, quelque part? Justement. Nous devrions aussi retracer nos canaux, comment vraiment donner la bonne nouvelle à nous conformer à la nouvelle technologie, à la nouvelle dynamique. Tant que vous avez le micro, je voudrais que l'on parle de perspectives avant de terminer l'émission. Les religieux et les pouvoirs publics sont censés travailler pour l'intérêt ou le bien-être des citoyens qui sont majoritairement croyants. Vous avez parlé de 70%. Il y en a qui parlent de 75% au moins. Qu'est-ce qui devrait être fait en matière de renforcement de la démocratie au Burundi, par ces confessions religieuses? Pour moi, d'abord, ce sont les enseignements. Les enseignements qui touchent la transformation des âmes. Deuxièmement, c'est le dialogue. Au sein d'une même dénomination, le dialogue, la collaboration entre dénominations, c'est le dialogue entre le gouvernement, le ministère en charge et les confessions religieuses pour traiter des questions de l'air. Des perspectives Cher imam Khamisi Hassangira Bakize, il y a des perspectives que vous pourriez proposer, des voies de solution. Il faut cheminer ensemble, les responsables, les religieux et les pouvoirs publics, pour renforcer la démocratie au Burundi. La première perspective que je propose, moi, c'est de renforcer l'éducation. L'éducation à la démocratie, l'éducation à tout le sens possible pour le maintien de la démocratie, de la paix, de la justice et de développement dans ce pays. La deuxième chose que je propose, moi, c'est de créer un cadre de concertation permanent entre les confessions religieuses et l'État, comme il est fait pour les partis politiques. La troisième chose que je propose, c'est de mettre en place un code d'éthique de conduite des confessions religieuses. C'est les pouvoirs publics qui... Les pouvoirs publics, bien sûr. Frère Emmanuel Nakartimana, de l'Église catholique, est-ce qu'il y a des perspectives que vous voyez, des propositions que vous pourriez émettre pour que cette démocratie soit renforcée à travers nos églises, nos mosquées? Je pense qu'il y a un travail en cours au niveau du Conseil interconfessionnel du Burundi, le CICB, avec un plan stratégique où il y a des axes qui touchent la gouvernance au niveau du pays, qui touchent la réconciliation au niveau du pays. Donc, j'imagine que cette nouvelle structure au niveau des confessions religieuses va aller en se renforçant et en trouvant des façons de travailler qui soient efficaces. Et habituellement, pour faire ce travail, on reste en conversation avec les départements ministériels intéressés. Et cela crée des synergies autour de quelques questions clés au niveau du pays. Pour ce qui est de l'Église catholique, nous souhaitons aussi que les mesures d'accompagnement pour la mise en application de l'accord cadre entre la République du Burundi et le Saint-Siège puisse avancer et finalement aboutir, parce que c'est entre autres ça qui pourrait déterminer dans le concret comment s'organise la collaboration dans les différents secteurs. Et pour ce qui est général au niveau des confessions religieuses, je crois que ce travail sur les valeurs, ce travail sur le renforcement de la fraternité n'est jamais fait totalement et complètement. Il s'est toujours à relancer, c'est toujours à faire. Et alors, ça demande aussi que ces confessions religieuses développent un rôle de guetteur, un rôle de vigilance. Parce que quand la vie humaine est menacée, quand la dignité humaine est menacée, quand la corruption s'accroît, quand il y a des antivaleurs qui sont en train de se développer dans un pays, je ne vois pas comment les confessions religieuses peuvent continuer à faire leur célébration comme si de rien n'était. Donc, à un moment donné, il faut que le rôle de vigilance, de guetteur, puisse amener à faire des signes d'alerte, des mécanismes d'alerte qui permettent à la société de se ressaisir. Et ça devient aussi une contribution au pouvoir public de clin d'œil pour trouver des mécanismes qui permettent de ramener la société sur des bases sûres et des bases qui soient justes pour toute la population. Donc, les deux côtés, il y a les confessions religieuses, il y a les pouvoirs publics, les uns et les autres ont des devoirs dans ce renforcement de la culture démocratique au Burundi. Naturellement, en respectant les identités les uns des autres, parce que à un moment donné, on a vu dans certains pays des puissances donner le rôle de conduite de la société aux organisations de la société civile ou aux confessions religieuses. C'est pas leur travail. Les pouvoirs publics doivent jouer pleinement leur rôle, mais les pouvoirs publics doivent créer l'espace suffisant pour les confessions religieuses et les organisations de la société civile de jouer pleinement leur rôle aussi, et chacun respectant son identité, mais en sachant que l'on travaille pour les mêmes communautés humaines. Un mot à placer, monsieur le directeur général Salvatore Niseguimana. Nous tendons vers la fin de l'émission. Et merci pour ce qui est des perspectives. Et je crois, comme nous avons identifié, la loi, le suivi et son respect, comme, ainsi que les statuts, les textes qui régissent les confessions religieuses comme un des défis, je crois qu'il est utile, il me paraît opportun même, de partir d'une part sur le besoin d'une large diffusion et vulgarisation de cette loi, parce qu'il y aurait des confessions religieuses qui fonctionnent, qui s'installent en méconnaissance de toutes les dispositions qui les régissent. Alors, la vulgarisation, la sensibilisation de ces acteurs, de ces partenaires que je disais privilégiés, est importante pour l'État et le gouvernement, puissent, la vulgarisation de ces textes puisse être. La deuxième chose, et ça, dans la réunion que nous. Au cours de la réunion que Son Excellence Monsieur le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a organisé le 24 mars cette année à Bougarama, en province Morambia, à l'endroit des leaders des confessions religieuses, il est venu dans les débats, dans les échanges, on a senti qu'il y a un besoin d'augmenter ou d'accroître le niveau du profil des leaders de ces confessions religieuses. Aujourd'hui, selon la loi que j'ai ici, pour diriger une confession religieuse, on se limite à un niveau de fin des études secondaires. Mais il peut se faire, quand vous parlez de la transformation humaine, il y a un bagage et un certain niveau de profil qu'il faut avoir. Et nous avons une perspective de discuter avec les parties intéressées pour analyser la possibilité de revoir les niveaux et les profils de ceux-là qui sont en charge de l'encadrement de la société dans le cadre des confessions religieuses particulièrement. L'autre évidence est en rapport avec, évidemment, nous sommes en train de travailler sur la cartographie des ONG, plutôt des confessions religieuses. On travaille sur la cartographie pour en maîtriser une carte, rien que pour gérer cette... Assurer aussi le suivi. Évidemment, pour le bon suivi, mais aussi pour la maîtrise de cette prolifération des confessions religieuses. En dernier lieu, et c'est irremplaçable, la poursuite et le renforcement du dialogue. La poursuite et le renforcement du dialogue entre les partenaires, entre le gouvernement et ses partenaires qui constituent les confessions religieuses. Merci, Salvatore Niziguimana. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la coordination des ONG et de la promotion des libertés publiques. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Et je vous remercie, Léonce. Je remercie la radio Isanganiro pour nous avoir invités. Je remercie les auditeurs de cette radio et particulièrement de cette émission. Et nous nous rendons toujours disponibles si besoin sera et aussi sur n'importe quel thème en rapport avec nos missions et nos obligations. Merci beaucoup. Merci à vous, révérend pasteur Sylvestre Bizimana. Vous êtes le secrétaire général du Conseil national des églises du Burundi. Merci de votre participation et contribution à cette émission. Merci aussi à la radio Isanganiro pour avoir organisé cette séance qui pour moi est très importante. Et nous sommes ouverts pour les prochaines séances pareilles. Je vous remercie. Merci. Imam, cher Hamisi Hassangirabakize, merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité à donner des éclaircissements. Et je vous promets qu'à tout moment, vous aurez besoin de moi, je pourrai répondre positivement. Et merci à vous, frère Emmanuel Nakarutimana de l'Église catholique. Merci de votre participation et votre contribution à cette émission. Merci beaucoup. Je crois que les débats de ce type contribuent à ouvrir l'espace pour le débat et la réflexion au niveau d'un pays. Bonne continuation. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur la contribution des confessions religieuses dans le renforcement de la démocratie au Burundi. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci également à Aimé Toussaint Mitewuti pour la mise en onde, Dorine Ouimana et Désiré Nkurunziza pour la prise d'image, Alain Désiré Boukeneza pour la réalisation. Au micro, vous étiez avec Léonce Bitaliho. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.